Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, un monde en plastique, une série d'Alain Lefkovitch réalisée par Somani Na. Au départ de cette série, il y a les sacs plastiques qui tourbillonnent les jours de grand vent sur les trottoirs. Et puis cette culpabilité de la jolie paille bicolore qui égayait nos limonades et qui désormais fait s'étouffer les maquereaux. Pourtant, à un moment, le plastique, c'était terriblement chic. Alors pour commencer, les personnages. Pierre Paulin comme un monument, un historien des objets, une conservatrice dans le multicolore, une autre qui regarde les années 60, un chimiste qui touche à tout, un pop collectionneur, une philosophe face à l'abondance, un conservateur dans son frac et un architecte qui innove. Ensuite le décor, la modernité, les couleurs pop, les chaises moulées, le PVC, le polyuréthane, de la douceur, du formica, des vies plus faciles, le salon des arts ménagers, du sexisme, du jetable, des collants, des bottes et des lunettes, du vinyle, un peu d'érotisme, une maison bulle et un stylo. Aujourd'hui, deuxième épisode, on cherche une définition. Raymond Léoï, vous aviez inventé une nouvelle forme, c'est l'esthétisme industriel, mais on parle de design. Et moi, ce mot design, je ne l'aime pas du tout. Alors, il commence à se répondre en France. Par quoi peut-on le remplacer? Par l'esthétique industrielle? Non, pas très bien. Esthétique industrielle, on nous appelle esthéticien. Et il arrive qu'on nous a téléphoné lorsque nous étions dans l'annuaire comme esthéticien il y a quelques années. Les femmes téléphonaient pour se faire faire des ondulations et des choses comme ça. Non, nous sommes vraiment des ingénieurs. Et je ne sais pas quelle est l'expression vraiment, je ne sais pas du tout. En général, quand on parle de design, on parle surtout d'habillage d'un objet. Or, le design se prend dès la création d'un objet, dès sa conception. C'est-à-dire qu'il faut à la fois intégrer l'esthétique, la faisabilité, le coût des matériaux, et il y a beaucoup d'éléments qui entrent en compte lors de la création d'un produit, et je crois qu'il est important de l'expliquer aux industriels, mais aussi au public, parce que le design se rencontre partout, ici, sur ce studio, il y a énormément d'éléments où le design entre en ligne de compte. Oui, c'est pas toujours très confortable d'ailleurs. Non. Les chaises sont peut-être belles. Mais je crois que quotidiennement, on est amené à repenser design. L'Élysée fait peau neuve. 5 salons anciens ont été réaménagés à l'aide de pièces de l'époque Napoléon III réunies par le Mobilier National. Mais ce qui fait la nouveauté du travail des décorateurs à l'Élysée, ce sont 3 salons et une salle à manger où le président de la République et Mme Pompidou recevront leurs hôtes en privé. On y accède par une salle réalisée par le peintre cinétique israélien Agam. Et là règne le plastique et les matériaux modernes, avec une petite concession dans la bibliothèque. Une vraie bûche de bois brûle dans la cheminée et Ovide et Molière côtoient Apollinaire et Aragon. Parmi les visiteurs de cet Élysée nouveau style, Jean Pézieux, notre reporter. Le designer Pierre Paulin lui a d'abord présenté le salon où sont accrochés au mur des tableaux modernes, signés Matiscou et Varelli. C'est un salon qui est un salon bibliothèque. C'est cela, on l'appelle ici le fumoir, mais en fait, vous l'avez bien défini, je crois. Et une particularité, c'est le meuble bibliothèque lui-même, si on peut l'appeler meuble, puisqu'il s'agit là d'une matière plastique. Oui, il s'agit d'altuglas en l'occurrence. Altuglas ou plexiglas, c'est la même matière. Un monde en plastique. Au plastique, le design reconnaissant. Par Somani Na et Alain Lefkovitch. Matière pauvre et peu onéreuse, le plastique a submergé nos quotidiens. Si certains en font l'incarnation de la folie créatrice d'une société de consommation, l'art, la mode, le design et l'architecture, eux, s'en emparent et le portent au pinacle. Les designers s'en donnent à cœur joie. La laideur se vend mal, écrivait Raymond Loewy, alors le plastique a vaincu. Toc, chic ou choc, le pop plastique de la pop culture s'impose. L'audace et le beau pour tous devient possible. La pub s'en charge, tout est permis, contestation, utopie, abat le patrimoine, on veut du modulable, de la couleur qui tape et qui claque, du populaire pour vivre autrement, libre et nomade, éphémère. On consomme, on achète, on absorbe, sans compter ni craindre l'indigestion. Pas moins de 700 plastiques différents vont polymériser ce monde, insouciant, à la prospérité retrouvée, et en changer profondément les habitudes. On les dit libérateurs, émancipateurs, enjoliveurs. Les plastiques sortent des clous, changent les règles, questionnent les dogmes, délivrent des carcans et affranchissent la création. De nouvelles possibilités, de nouveaux horizons s'offrent à elles, car désormais, tout semble devoir être facile, pratique, malléable, car il faut être moderne. L'avenir est au changement, place à la nouveauté. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Et voici la couleur, au jour fixé et à l'heure dite. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous qui maintenant nous voyez tels que nous sommes, vous cesserez très vite, je le sais bien, d'être sensible à la magie de la chose. Et vous trouverez bientôt tout à fait naturel de voir la vie avec ses couleurs envahir vos écrans. On bascule dans un monde en couleurs. Manuel Charpie, historien de la culture matérielle et visuelle au CNRS. Il y a un très beau texte, Un siècle avant, de Jules Michelet, qui dit ce que c'est que l'arrivée de la couleur dans les milieux populaires avec les indiennes, c'est-à-dire que les tissus imprimés, en partie imités ou venus d'Inde. Mais je crois que dans les années 60, c'est la même chose, mais fois mille en quelque sorte. C'est-à-dire d'un coup... Le mobilier peut devenir très coloré, les vêtements peuvent devenir très colorés. Enfin, d'un coup, on rentre dans un monde de couleurs. Les médias eux-mêmes, c'est-à-dire que la presse, on passe à l'offset en couleurs, la télé passe en couleurs. Voilà, donc d'un coup, on rentre dans un monde où la couleur a une place beaucoup plus forte. Et le plastique, évidemment, porte ça complètement. Enfin, je pense qu'il joue un rôle effectivement important. Pourquoi vous dites que c'est difficile à documenter ? C'est dur de se figurer le paysage, ce qu'on voyait au quotidien. C'est toujours compliqué en fait. C'est toujours un peu des reconstructions. C'est toujours c'est dur d'imaginer ce qu'ont perçu les gens. C'est-à-dire comment d'un coup le décor quotidien change. C'est des choses pas si faciles à documenter de manière positive. C'est-à-dire savoir ce que les gens avaient chez eux, comment, etc. Mais aussi de voir. Voilà ce que ça change dans la façon de regarder le monde, le fait d'être environné d'objets en couleur, de manipuler des objets en couleur. Alors, voici les échantillons de nos tuyaux plastiques, dont notre firme Plastac a l'exclusivité sur le marché. Oui. Vous avez donc le tuyau vert, le gazon, n'est-ce pas ? Et alors, notre dernière nouveauté. Alors, on va trouver des lits, par exemple. On a un lit de Christens, on va trouver des chaises. Chloé Pitiot, conservatrice au Musée des Arts Décoratifs. Notamment la célèbre chaise de Werner Pantone ou la chaise tulipe de Garriche. On va trouver des jouets pour enfants. On va trouver aussi une pièce de Arnal en Altuglas, qui est un plastique qui va se rapprocher de la qualité du verre. Donc, on va essayer de détourner ce matériau vert par le plastique. On obtient la même transparence. On a du bleu cyan turquoise très vif, on va avoir du rouge primaire, du jaune soleil, des verts printemps, du noir, ce qu'on ne trouve pas forcément avec d'autres matériaux à cette époque-là. D'où l'intérêt porté par les designers à ce nouveau matériau. Le monde avant n'était pas en noir et blanc ou en sépia, hein, pas de malentendu, mais là, de fait, quand même, le quotidien change dans ce rapport-là. Et c'est quand même toujours, on est dans l'histoire des sensibilités aussi, et c'est du coup toujours plus compliqué. Mais il faudrait peut-être sans doute collecter des témoignages sur qu'est-ce que ça a fait de pouvoir s'habiller en couleur, de pouvoir acheter des tabourets en couleur, des pot-à-eau en couleur, un quotidien très banal, mais en couleur. Suzanne Lyon. Bien, au point de vue de l'élégance, je pense que les femmes ont pensé très longtemps qu'il fallait, pour être réellement bien habillées, employer des couleurs extrêmement sobres, et que maintenant, elles tablent à juste titre sur la couleur, aussi bien pour elles personnellement que dans leur maison, où on peut transformer complètement un appartement par l'apport de la couleur. Et donc ça introduit du coup un mode de vie beaucoup plus souple, flexible, mobile. Marie-Ange Breyer, conservatrice au Musée national d'art moderne, Centre Pompidou. Et donc cette légèreté, cette modularité, ces nouvelles conditions de vie qui créent un nouvel environnement si domestique vont être effectivement l'atmosphère de ces années 60. C'est vrai que les objets là, qu'on trouve dans le musée, finalement, on peut tous les prendre dans nos mains. Richard Thomeret, chercheur chimiste chez Solvay. À part les gros fauteuils qui sont là-bas, mais on va voir un peu plus tard que dans certains cas, les sièges ou les assises sont faites dans d'autres matériaux. Ici, on a une recherche qui est faite par le designer d'une peau, d'une coque, qui est assez mince, qui fait quoi, 2 mm, pas plus que 3, dans une matière plastique. Alors, on trouvera du polycarbonate, du PMMA, donc de l'acrylique, on va trouver de l'ABS. Et ces matières-là, on peut facilement les mettre en œuvre. Là, on a des objets qui sont essentiellement moulés par injection, donc avec plein de formes. Et du coup, on a une certaine compacité, c'est léger, ça peut se transporter. Et c'est peut-être ça qui fait que ces matières ont percé, c'est qu'en fait, elles sont très légères et elles ont permis la conception d'objets qui sont faciles à emmener avec soi-même. Donc ça, je pense que c'est effectivement un point aujourd'hui. Et ceci correspond à la période pop. Philippe Dessel, collectionneur. Or, le pop, ce sont des couleurs claires et le plastique a beaucoup aidé pour la période pop. Et on en verra quelques belles pièces ici de cette créativité fabuleuse. On est juste en face des premières radios portables. On les portait en bracelet avant qu'on ait des radios avec écouteurs. Ben c'est vraiment l'ancêtre de toute cette volonté de pouvoir se balader avec un moyen d'entendre les médias non-stop n'importe où. Alors, ce sont des produits qui sont facilement colorables, pigmentables. Donc là, on a un peu tout. Forcément, on est dans les années 70, donc c'est plutôt le orange qui domine. Mais l'aspect de surface est toujours très brillant, très vif, très très coloré. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut donner effectivement aux matières plastiques. Le côté très lisse fait qu'effectivement, elles donnent l'impression d'un objet un peu de luxe. Là, on a un tournelix, par exemple, avec deux coques. Les coques se séparent, servent de haut-parleur. C'est très brillant. Dans certains objets, on a le contact avec les mains, avec la peau, etc. On a recherché, et on le trouvera après dans certains sièges, finalement des matières plastiques qui sont souples, comme la peau. On retrouve du PVC, on retrouve du polyuréthane, on retrouve le caoutchouc dont on a parlé aussi. Et ces matières-là sont très souples et finalement elles ont un petit peu le même toucher que la peau. Elles ont été choisies pour ça, pas seulement parce qu'elles se déforment, mais parce qu'elles sont agréables au contact avec la main. Et aujourd'hui, dans l'immense majorité des voitures, quand on s'assied dans sa voiture, c'est rare que ce soit du vrai cuir, sauf si on a les moyens. Souvent, c'est une peau faite en matière plastique très douce. Voilà. Alors, furieusement, pop, et moi j'aime particulièrement ces pièces, on peut ajouter des matières fluorescentes dans le plastique. Et ici, on a des sièges en jaune, fluo, orange, fluo, qui sont vraiment typiques de la période psychédélique. Alors, il y a un nom commercial pour cette matière-là, qu'on dit plexiglas, comme ça tout le monde comprend, du PMMA, donc polyméthylméthacrylate. Cette matière-là, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est une des plus transparentes. Elle est plutôt résistante, un peu plus résistante que les autres matières plastiques à la rigueur. Et donc, effectivement, comme le disait Philippe Dessel, on la retrouve dans beaucoup d'objets, comme des sièges. Et on la pigmente pour pouvoir lui donner cet effet-là un peu particulier. Et ce qui est intéressant, c'est que la lumière la traverse. Donc là, on a une coloration, un jaune-vert. Mais en même temps, elle rebondit à l'intérieur de l'épaisseur. Elle sort sur les côtés, sur les tranches vertes. Et comme la lumière a traversé beaucoup de pigments, du coup, elle est beaucoup plus foncée. Et c'est ça qui explique que la silhouette de la chaise, du coup, est rehaussée. Parce que la lumière la traverse dans ce sens-là et finalement est plus concentrée en couleur. Donc on les souligner quelque part grâce à ça. Ce que je vois comme dans un rêve, c'est tout un monde en couleur. Ce que je vois comme dans un rêve, c'est tout un monde meilleur. Tout le monde que tu me dis là, le son bizarre. On torture, ne l'entends-tu pas? Oui, des guitares. Oui, j'entends et je vois des couleurs et des sons. Oui, j'entends et je vois des couleurs et des sons. Ouais, yeah. Ton corps s'allonge. je t'ai mis les fumées. Alors dites-moi, il y a eu des oppositions, puisqu'on parle de la période pop, vos parents par exemple, ils détestaient le plastique, il y avait un conflit générationnel. Non, je ne crois pas que c'était un conflit, c'était pas dans leur culture, c'était... Ils avaient une autre idée, mais par exemple, mon père a eu comme carrière ce que j'appelle le cursus honorum. Il était dans une firme, il est rentré comme simple ingénieur, il a terminé au sommet. Ce sont des scénarios de vie que l'on n'a plus non plus dans nos sociétés aujourd'hui. Il faut prendre de l'expérience, faire 6-7 boîtes avant de peut-être déposer son sac. Mais c'était une autre manière de concevoir, et chaque génération s'amuse toujours à chasser la précédente à travers sa créativité et les nouvelles modes. Et moi, ce que j'ai observé au sein de ma famille, c'est que mes grands-parents avaient plutôt du mobilier traditionnel dans des matières plutôt comme le bois, et ça avait un petit côté un peu noble. À l'inverse, mes parents, qui n'avaient pas beaucoup d'argent, eux, en fait, cherchaient la fonctionnalité. Donc, ils avaient dans la cuisine, par exemple, des meubles recouverts de formica, pas cher, facile à nettoyer, facile à utiliser, avec une esthétique questionnable. Mais finalement, le conflit de génération là que j'ai pu observer chez moi, c'est qu'il y avait d'un côté des matières qui étaient soi-disant nobles, et d'un autre côté des matières qui étaient plus fonctionnelles, plus faciles à utiliser dans la vie de tous les jours, pour une vie un peu plus contemporaine. Et avec des formes qui finalement étaient aussi différentes. Donc c'est peut-être ça le changement entre l'accès au travail d'un peu plus de gens, la fonctionnalité, la vie qui était plus remplie avec beaucoup d'activités, et le fait que les gens habitent plutôt les villes, passent du temps dans les transports, finalement quand on est chez soi et on veut que ce soit efficace, rapide, d'où l'arrivée de ces petits robots électroménagers. L'aspirateur portable, et ces objets-là devaient être légers. Du coup, la cuisine en formica ou la table en matière plastique, ça doit être facile à faire, facile à nettoyer. Alors que plutôt du côté de mes grands-parents, c'était pas ça qui était important, c'était la noblesse de la matière qui était tout à fait naturelle. Faisons un rêve. Un rêve pour la femme d'aujourd'hui, mais qui sera la réalité de demain, ou plutôt d'après-demain. En l'an 2000, vous pourrez, madame, transmettre instantanément votre commande manuscrite par téléscript. Rêve ? Un rêve ? Non, madame, une réalité. Il y a 50 ans, un monsieur qui s'appelait Louis Breton décidait de présenter au Champ de Mars à Paris une exposition de tous les objets et appareils destinés à faciliter le travail de la femme au foyer. Le Salon des Arts Ménagers était né. Le Salon 73 ouvre ses portes cette semaine, et en 50 ans, bien sûr, l'art de la machine à laver, du réfrigérateur et des gadgets ménagers a fait beaucoup de progrès, ainsi qu'en témoigne notre magazine d'aujourd'hui. C'est aussi un conte de fées. Alice dormait quand le rayon légendaire vint la chercher au plus profond du sommeil. On ne résiste pas aux invitations de ce genre. Le rayon la conduisit par des chemins étranges, dans des palais merveilleux. Elle s'en allait un peu seulette quand même, quand soudain, un monde étrange s'animait. L'aspirateur balayait le tapis volant des mille et une nuits. Désormais, Alice saurait balayer sans fatigue. Mon tornado ! Pourquoi tu dis toujours à tes amis que ton tornado, il est increvable ? Il a raison. L'aspirateur tornado, c'est vraiment solide. C'est un aspirateur pour ménagère qui a beaucoup de ménage à faire ou... Une ménagère qui a beaucoup de moquettes, des tapis. À travers les stands et l'étalage d'objets dont le but théorique est de faciliter le travail ménager, utile certainement, indispensable, c'est à vous mesdames d'en juger, quoiqu'aux arts ménagers, les hommes ont aujourd'hui enfin gagné leur mot à dire. C'est bien à eux qu'incombe la tâche de réparer les pannes de tous ces objets si jolis à regarder, mais dont les femmes ne comprennent que rarement le fonctionnement. Alors, même moi qui ne suis pas ménagère, je n'ai qu'à appuyer sur un bouton. Exactement. Et ça marche, c'est ce bouton-là. Hein. Voilà. Alors voilà, j'appuie. Et effectivement, ça marche très bien, vous aspirez tout, toute la poussière chez vous. Et même éventuellement, si vous le souhaitez, vous pouvez même aspirer des gens qui vous, ne vous plaisent plus tellement, dont vous voulez vous débarrasser. Comme je suis en train de le faire à l'heure actuelle, vous voyez. J'aspire. J'aspire. Et voilà, elle a disparu. Avouez que c'est vraiment un aspirateur qui vaut son pesant d'or. Et vous voulez vraiment l'amener, ma fille ? Non, je voudrais son aspirateur, Thompson. Ah, comme vous avez raison. Thompson, c'est mieux pour vous. Alors on dit que les premiers designers qui vont utiliser ces matières plastiques vont libérer la femme. Alors, je ne pense pas qu'il s'agisse nécessairement de libération de la femme, mais plutôt d'une adaptation du mobilier, de l'objet de mobilier aux formes du corps. Et c'est ça, que ce soit un homme, une femme, qui est important. Après, par rapport à la femme en tant que telle, on avait des environnements domestiques qui étaient conçus par ces designers de manière assez complète, qui avaient peut-être pour fonction d'émanciper effectivement la femme au ménage, qui pouvait lui offrir beaucoup plus de fonctionnalités. Je vois que vous présentez un défroisseur. Pouvez-vous m'en expliquer le fonctionnement, s'il vous plaît? Alors, vous branchez donc votre appareil et en 30 secondes, vous avez de la vapeur. Vous voyez, tous les plis que vous avez sur ce pantalon vont disparaître. Ça va disparaître? Ça va disparaître. C'est très spectaculaire, vous voyez. Voilà. Et vous voyez, votre pli a disparu. Alors, oui, vous ferez également avec vos tentures, tout ce qui est costume de velours, vos canapés. Tout textile, synthétique, les rideaux de tergal, et même, voyez, les corsages de coton que vous pourrez défroisser. Oui, c'est le plastique est associé à ce moment-là. C'est-à-dire aussi, il y a eu tout un moment où tous ces objets faciles d'entretien, jetables, vous avez tous en tête les publicités pour ces trucs domestiques. Bon, quand même... entretenu par les femmes, hein, dans toutes les publicités, mais d'un coup, on pouvait les laver en quelques secondes en les passant sous l'eau, les vêtements devenaient très faciles. Pensez à toutes les publicités pour le tergal, enfin, toutes ces matières des années 60-70, où effectivement, d'un coup, c'était facile à laver, des promesses, c'était les chemises qui se lavaient facilement et qui se repassaient, enfin, une fois sèches, elles étaient repassées toutes seules. Donc, il y avait cette idée, effectivement, de libérer une partie des contraintes sur le quotidien par cette consommation. On n'a plus besoin d'aiguiser son rasoir, on le jette, on n'a plus besoin de racheter des cartouches d'encre, de remplir son stylo à encre avec une seringue, etc. On jette le bic. Donc il y a cette idée de lever les contraintes du quotidien, avec, j'insiste, dans les années 60, quand même une place des femmes qui reste quand même de ce côté-là, c'est-à-dire du côté du domestique. Ça a duré à peu près jusque dans les années 70. C'était le consommateur. Catherine Malabou, philosophe. Et l'ouverture des grands supermarchés, etc. C'est-à-dire tout d'un coup la société d'abondance. Je crois que c'était ça. Et être plastique signifiait consommer, ça signifiait acheter et jeter. Quand le Bourget vient souligner le galbe de vos jambes, vous apportez la dernière touche à votre beauté. Le Bourget, collant de beauté. C'est-à-dire qu'on était formé par les produits, hein, et on pouvait en changer. Voilà, cette capacité à s'adapter, à changer de marque, c'était aussi l'exaltation de la concurrence des marques. C'était vraiment, ça marquait vraiment cet Occident qui renaissait de ses cendres. Et qui fabriquait le consommateur comme être plastique, susceptible, de s'adapter, de changer. On disait à l'époque être moderne. À l'époque, je ne crois pas qu'on réfléchissait à de nouvelles idéologies. On inventait une matière, on trouvait qu'elle avait toute une série de qualités, et les designers sautaient dessus pour profiter de ces qualités pour les objets qu'ils voulaient créer. Et ça permettait de dire, et c'est exactement ce que fait la jeunesse aujourd'hui, à travers les objets, je me crée une personnalité. Est-ce que vous croyez que jusqu'à présent les femmes étaient habillées comme il fallait qu'elles soient habillées pour vivre à leur époque? Non. Quand vous avez vu le modèle de Courage, qu'est-ce qui vous a frappé d'abord? D'abord court, la ligne, la géométrie ou bien ce qui était autour, c'est-à-dire les bottes et les lunettes? Oh, les bottes collants. D'abord, c'était des bottes parce que ce sont de belles bottes, et puis Colin. On voit que ça n'existait pas avant. Les bottes, les lunettes, tous les accessoires. Et là, on voit par exemple tous les bijoux d'époque, les modes hop, pop. Et on a par exemple de Courrèges les lunettes Lapone, où on pouvait se cacher, on ne voyait qu'à travers de fines lignes. Et c'est le début des montres. Je me souviens qu'il y avait une époque, on disait... Changer, montre Kelton. c'était aussi une manière de faire une créativité dingue avec des matières qui ne valaient rien, et donc de ne plus dire le bijou c'est uniquement montrer de l'or, des diamants, des quartz rares. Ici, c'est du plastique fluo. Est-ce que vous avez l'impression que c'est exactement la mode qui correspond aux avions, aux voitures qui vont vite, aux femmes qui travaillent? Ouais, bien sûr, oui. Si votre femme s'habillait comme ça, vous aimeriez? Vous n'aimeriez pas? Ah non. Pourquoi vous n'aimeriez pas? Je sais pas, moi. Encore une fois, je crois que on épousait une époque qui était celle de, oui, de lutte et de nouvelles indépendances d'une partie, enfin de la moitié de la population. Mais c'est un simple accompagnement. C'est-à-dire chez Courrèges, les mannequins sont toujours des espèces de, comment dire, de mannequins qui sont là vraiment juste pour porter des morceaux de plastique. Et d'ailleurs, c'est assez connu, toute cette mode, que ce soit Courrèges, Paco Rabanne, etc. C'était des vêtements extrêmement contraignants, pas très marrants à porter. C'était pas le souci. C'était d'abord un souci d'image, de dire de la modernité, plus que d'être confortable ou... Je pense que ça accompagne un moment de renouveau où on a besoin constamment de parler de nouveautés. Mais je ne suis pas sûr que ça ait beaucoup libéré la femme. Bon, voici deux de mes modèles. Un modèle assez futuriste, c'est un collant avec une petite veste en vinyle sans manches. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus logique. Si vous voulez enlever vite... Voilà, c'est un collant, c'est une sorte de deuxième peau, mais qui est très fonctionnel parce qu'il se dégrafe complètement. Voilà. On est plus du côté du carénage, c'est-à-dire de la carrosserie, au sens générique du terme, carrosserie d'objets ou carrosserie de... Si on était un peu désagréable, on pourrait dire, voilà, nouvelle carrosserie de machine à laver, de robot mixeur, et puis nouvelle carrosserie de... pour les femmes modernes, c'est un peu Courrèges et plutôt de ce côté-là. Mais il y a une pratique beaucoup plus diffuse pour le coup, qui est tous ces sous-vêtements érotiques qu'on trouve un peu partout en fait dès les années 1960, quoi, qui devient là pour le coup assez implanté dans l'imaginaire collectif. Les femmes sont belles en soutien-gorge. En soutien-gorge, dis-moi. Ça leur va bien. Avec un slip assorti, c'est plus joli. Le voile de maintien de Dim soutient bien les gros et les petits seins. Tous les seins. Pour chaque femme, il y a un Dim qui va. Mais je pense que pour l'essentiel, c'était surtout une libération du corps d'une manière générale, que du coup, ces objets vont peut-être être plus moulés, plus anthropomorphes sur les formes du corps humain. On parlait des plastiques, mais il y a des nouveaux matériaux comme les jerseys extensibles que Pierre Paulin va introduire, qui s'est inspiré des maillots de bain d'ailleurs, parce que justement, c'était des matériaux élastiques. Et il va s'en servir pour faire des sièges, des houssables avec ces jersey extensible. Et les objets que l'on va fabriquer en plastique vont permettre d'avoir des poses multiples, d'avoir des poses beaucoup plus souples, flexibles que les poses plus rigides que l'on pouvait avoir ne serait-ce que dans les années 50. Et ce que le plastique également va amener, puisqu'il y a beaucoup d'objets qui le prouvent, donc les Company Billy par exemple, c'est des objets multifonctionnels. Donc on va pouvoir avoir un objet qui aura plein de fonctionnalités différentes. On pourra avoir une armoire qui va devenir donc qui va être convertie voilà en rangement. Bon, je prends le cas par exemple de Joe Colombo qui fait des petits objets qui se transforment et qui sont sur des petites roulettes qui se déplacent en plastique et qui sont à usage multiple. Joe Colombo, pour nous, c'est avant tout le fauteuil des téléspitrines. Ce fauteuil, je l'ai désigné de la 63. Et je pense qu'il est temps que la télévision française me commande une autre. Et donc, ça introduit du coup un mode de vie, voilà, beaucoup plus souple, flexible, mobile. Et donc, voilà, cette légèreté, cette modularité, ces nouvelles conditions de vie qui créent un nouvel environnement aussi domestique, vont être effectivement l'atmosphère de ces années 60. La plupart des designers et architectes également des années 60 ont réalisé des objets gonflables avec ces matériaux ABS qui permettaient donc de créer des objets transparents, à nouveau de mettre des couleurs, des couleurs assez vives, et de travailler, de penser l'objet dans son rapport à l'espace environnant. Les meubles tels qu'on les concevait jusqu'à présent sont appelés petit à petit à disparaître. Pour faire place à des sortes de volumes déformables à utilisation multiple, aussi bien en matière de rangement que de plan d'assises ou de couchage. La relaxation est très importante. Oui, elle est très importante, parce que quand vous passez X heures par jour dans votre bureau au milieu d'un certain nombre de bruits qui vous attaquent, qui vous nuisent, et quand vous rentrez chez vous, on doit, nous, penser à vous donner quelque chose qui, dans le temps le plus court, vous remette en accord avec vous-même. Donc ces gonflables pouvaient amener, je pense, l'idée du jeu de manière implicite, et l'idée que ce qui était le plus important n'était pas tant l'objet en lui-même que toutes les actions, les activités multiples que l'on allait pouvoir y faire. Bon, si je prends un autre exemple d'objet très connu qui est le saco, qui est ce pouf informe, on se rend bien compte que c'est le corps qui, lorsqu'il s'y installe, va lui conférer sa forme. Et tous ces objets transformables, comme l'étaient les gonflables, étaient utilisés dans un esprit ludique et parfois aussi de contestation par rapport à des règles qui étaient édictées dans le domaine du design. Il fallait faire des produits très rationnels, très fonctionnels. Donc voilà, ça amenait un nouveau champ qui était beaucoup plus créatif finalement pour ces architectes et ces designers. Ce qui était peut-être aussi important, c'était l'expérience que l'on faisait avec ces objets. Et ce qui peut expliquer le succès des gonflables à cette époque, qu'on va retrouver dans le champ de l'art, dans le champ du design et dans l'architecture. Le plastique avait quelque chose d'un peu érotique même. Gilles Rion, coordinateur artistique général au Fonds régional d'art contemporain Centre-Val-de-Loire. On le voit dans les formes rondes qui sont proposées. Les formes rondes sont contestataires vis-à-vis de l'architecture traditionnelle, du mouvement moderne. Elles sont aussi extrêmement pratiques et économiques, c'est sûr. Mais il y a aussi une forme d'érotisation qui est permise par les formes, la capacité plastique du plastique, et puis par la prolifération, l'ensemble des couleurs qu'on peut utiliser, la gamme extrêmement variée des couleurs qu'on peut utiliser, même directement dans le plastique, et surtout des couleurs criardes. Les possibilités offertes par les matières plastiques dans de nombreux domaines semblent illimitées. La maison a pris une allure plus familière. L'utilisation des matières plastiques pour la construction fait disparaître les servitudes traditionnelles. Formes adaptées, éléments monoblocs, suppression d'une partie des assemblages, résistance et légèreté extraordinaire, suppression des revêtements, rapidité de montage, possibilité de série, etc. La maison tout en plastique apporte dès à présent une multitude de solutions qui, même utilisées séparément, peuvent améliorer et faciliter la construction. Alors pour refaire l'historique en architecture, les expérimentations en plastique arrivent aux alentours des années 55-56. La première maison tout en plastique, en fait, elle est conçue dès 55 par un architecte qui n'a pas encore son diplôme d'ailleurs et qui est obligé de se faire seconder par un architecte diplômé. Et cet architecte non diplômé de l'époque, c'est Yonel Schein, qui en 1955, après avoir d'ailleurs collaboré avec un autre grand architecte aujourd'hui décédé qui s'appelle Claude Parent, dans un esprit de synthèse des arts, va lui-même tendre à renouveler non pas seulement les formes de l'architecture, mais surtout renouveler le fonctionnement de l'architecture et tenter d'adapter l'architecture au mode de vie qui s'annonce dès 55. Une rotonde en 8 parties qui constitue une cellule d'habitation complète, autour des chambres amovibles en nombre variable suivant les besoins, tel en est le principe. Et le mode de vie qui s'annonce, c'est une plus grande mobilité, c'est un habitant qui n'habite plus toute sa vie à un endroit donné, mais qui va être appelé à itinérer en permanence. Du moins, c'est ce qu'on imagine à l'époque. Et donc cet architecte visionnaire, on peut utiliser le mot visionnaire, va tenter de trouver à la fois une forme d'architecture qui puisse itinérer avec l'habitant et surtout évoluer au fur et à mesure de la vie de l'habitant. Et il va s'intéresser à un matériau qui jusqu'alors n'existe pas dans l'architecture, qui est complètement vierge de tout implicite en termes de forme et en termes de fonction et d'utilisation, c'est le plastique. Dans le cas présent, une telle maison pèse 20 fois moins qu'une maison traditionnelle. Il est en outre difficile de trouver un matériau qui s'adapte mieux aux formes d'un moule par simple contact. Pour lui, le plastique, c'est un matériau alchimique qui permet d'envisager des formes qui jusqu'à présent n'existaient pas. Donc également d'envisager des modes d'habiter qui n'existent pas encore. Il va travailler donc à cette maison tout en plastique, qui va être composée de plusieurs types de plastique en fonction des différentes fonctions de chacun des plastiques. Et va en 1955 dessiner cette maison en spirale, en plastique, qu'il va ensuite présenter l'année suivante au Salon des Arts Ménagers, soutenu par des magazines féminins, pour évidemment populariser cette architecture qu'il veut accessible à tous. Le projet de Lionel Schein des maisons tout en plastique, en fait, il était extrêmement artisanal. Il y a une vidéo qui existe où on voit des coulées des seaux de plastique qui sont coulés sur un moule. Donc on était au stade artisanal. En revanche, avec ici Pascal Hausermann et Le Merdi, qui sera son collaborateur sur ce projet, on atteint vraiment le dernier stade de la production de ce type d'architecture. C'est tout à fait faisable. Et la volonté, d'ailleurs, à l'époque, et c'est Hausermann qui le dit, c'est qu'on parvienne enfin à fabriquer en très grande série des architectures en plastique que tout un chacun puisse aller acheter. Alors, je ne sais plus quelle grande surface il cite à l'époque, mais l'idée, c'est que on aille à la grande surface chercher sa dôme mobile, qui est le nom du projet, et puis qu'ensuite, une grue vous amène les différents éléments, et qu'au bout de 3 heures, vous puissiez vivre dedans. Pascal et deux collègues à lui, de l'école d'architecture. Claude Costi-Hausermann, architecte franco-suisse, compagne de Pascal Hausermann. Ils se sont lancés sur l'étude d'une maison en matière plastique, d'une bulle, en fait, qui correspondait à une chambre, un élément, une bulle qui serait industrialisée et vendue comme vous vendez une voiture ou comme vous vendez une caravane. Donc, comme c'était un élément, c'était une chambre, une cellule qu'on appelait une cellule, on avait des parties pour joindre plusieurs cellules ensemble. Donc on pouvait avoir un appartement, une maison de 100 mètres carrés par exemple, en rajoutant des bulles. Et on a été plus loin, on a réalisé la bulle salle de bain, la bulle cuisine, la bulle séjour, et toutes ces bulles étaient reliées ensemble par des éléments, des tunnels, des sas. Ouais. Et le prix était très élevé, très élevé, il était plus élevé qu'une maison traditionnelle. Donc moi, je me suis dit, mais c'est pas intéressant du tout. Une bulle de luxe, d'abord les gens qui ont les moyens de s'acheter une bulle comme ça, ils achèteront jamais une bulle en matière plastique. Ces gens-là, ils vont construire. Et les gens qui n'ont pas les moyens, ben ils n'ont pas les moyens. Ils pourraient l'acheter, ils aimeraient l'acheter, mais ils ne peuvent pas. Donc pour lui, il restait sur l'idée d'économie que les gens pourraient avoir des maisons en les achetant, mais moins chères que les maisons traditionnelles. Et il y avait une autre chose, c'est aussi le désir d'avoir une maison qui dure pour leurs descendants. Une maison en matière plastique, on ne voulait pas... On ne savait pas combien de temps elle durerait. Déjà, on s'était aperçu que le plastique, il fluait, ce qu'on a dit, il se déformait. Donc, on voyait ça sur les portes qui ne fonctionnaient plus, puisque le plastique se déformait un peu avec la chaleur, surtout avec la chaleur. Chebam, pam, blanc, oui, alors c'est sûr, la question de l'héritage, moins la question de la propriété, parce que on est propriétaire d'une maison, mais à court terme. Les maisons en plastique, ce sont des maisons qui ne sont pas durables. Ce ne sont pas des maisons qui sont faites pour durer. Mais qu'à cela ne tienne, ce n'est pas très grave à l'époque pour eux, dans la mesure où l'architecture est très peu chère. Donc si une pièce casse, on la remplace. On est complètement dans l'idéologie ou dans l'idée de l'architecture jetable comme n'importe quel produit de consommation de l'époque. Debout tout le monde! Au travail, grâce aux barbes à plastique, les barbes à papa vont se construire une belle maison. Regarde, Barbabelle, c'est moi qui l'ai dessiné. Ça y est, papa, c'est fini. C'est aussi une façon d'inventer une nouvelle architecture, de sortir des carcans, des règles, des dogmes. Oui, tout à fait. Mais c'est en ça que c'est intéressant. C'est que le matériau plastique ne vient pas par un effet de mode remplacer un autre matériau dans l'usage traditionnel. Il crée vraiment, il répond vraiment à des nouveaux usages et à des nouvelles, à une nouvelle société, en fait. On ne voit pas dans les projets qui sont exposés ici, on ne voit pas de forme traditionnelle d'architecture. On ne voit pas non plus de couleur traditionnelle d'architecture. On retrouve un blanc extrêmement médical presque chez Ozerman, mais c'était un blanc qui correspond à la couleur plastique. On est presque dans une forme de brutalisme du plastique chez Ozerman. En revanche, on a d'autres projets extrêmement pop, comme par exemple Archigram, où là aussi il y a un usage du plastique qui est plutôt du gonflable, mais cet usage du plastique va de pair avec une découverte et une réappropriation de la culture populaire dans l'architecture. Donc là aussi il y a une forme de détournement, si vous voulez, qui n'est pas une simple extraction d'un matériau à la mode. Là aussi, à l'époque, il y avait, il ne faut pas l'oublier, il faut se replacer dans le contexte, un humanisme qui était très important dans ces projets d'architecture en plastique. Donc Pascal Ozerman, Chaneac ou Lionel Shine cherchaient des alternatives, en fait, à l'époque qui était la leur, qui était celle du fonctionnalisme, du rationalisme en architecture, et qui laissait très peu de place pour eux à l'humain. Et les formes rondes étaient organiques, et pour eux, de manière peut-être un peu naïve, correspondait beaucoup mieux, en fait, au geste de l'homme, à la manière avec laquelle on se déplaçait dans l'espace et pouvait entrer en harmonie de manière beaucoup plus approfondie avec l'homme. Alors comment se fait-il que ça n'ait pas marché pour des raisons culturelles, alors que partout ailleurs, le plastique s'est immiscé sans poser aucun problème, et au contraire, les consommateurs les ont allègrement utilisés? Peut-être parce que c'est moins le plastique qui est en cause que la tradition architecturale elle-même. Et le fait que dans la tradition architecturale, il y a quand même une série longue de verrous à faire sauter pour enfin parvenir à construire. Mais le plastique en architecture n'a pas pu voir le jour en France, comme l'autoconstruction ne peut pas voir le jour non plus, si ce n'est par des pratiques alternatives et illégal. En fait, le souci, c'est que ce n'est pas tant que le plastique a été un échec, c'est que la possibilité d'expérimenter en architecture est impossible. Est impossible si on veut rester dans les clous. Donc, pour pouvoir expérimenter, il faut forcément sortir des clous en architecture. Le plus bel exemple, c'est que les maisons de Ozerman, de Chaneac et d'Antilovac, la plupart, en béton projeté, n'ont pu être construites que sans permis de bâtir et qu'aujourd'hui, c'est devenu des monuments. C'est une pièce unique. Ça dora. Et ça rase bien. Non. Pourquoi faire cher quand on peut faire bon marché? Rasoir Bic, sable comme Bic. Le nouveau briquet Bic est extra plat. Il est vraiment étudié pour votre main. Le briquet Bic est aussi fidèle que la pointe Bic. Alors comment un objet de design industriel est devenu un objet qui a sa place dans un musée? C'est une œuvre d'art? Ça devient une œuvre d'art? Alors ça devient surtout un objet qui témoigne d'une période, hein, qui est cette période de la culture pop des années 60 et puis 70. Et on l'expose ici dans cette salle comme telle. On va pas faire l'apologie du plastique, loin de là. Et justement, c'est plutôt une salle qui va mettre en exergue cette utilisation du plastique, mais aussi dénoncer à l'heure actuelle l'utilisation du plastique. Bic Junior. Oh, la petite bulle. Bic Junior, anti-dératant. Bic, bic, bic, bic, bic. Bic Junior. J'aime cette petite bulle. Bic Junior écrit très longtemps. Bic, bic, bic, bic, bic. Bic Junior. Marrant, cette petite bulle. Bic Junior apprend seulement. Bic, bic, bic, bic, bic. Donc les collections de design généralement font aussi entrer des produits de grande consommation dans leurs collections qui ont marqué en fait une rupture aussi dans l'approche des objets de design, une rupture dans le langage, dans l'innovation et en l'occurrence évidemment le stylo Bic a représenté une rupture importante parce qu'il a été le premier objet consommable, jetable à très grande échelle dans les années 50. Bic, bic, bic, bic, à quatre couleurs. Du bleu, du rouge, du vert et du noir. Bic, bic, bic, bic, bic. Comme c'est facile. Un petit coup de pouce et voilà la couleur. Bic, bic, bic, bic, bic. Quatre couleurs. Du bleu, du rouge, du vert et du noir. Bic, bic, bic, bic, bic. Le nouveau bic a quatre couleurs. 3 francs seulement. Alors consommable, jetable, à très grande échelle, mais il y a un design avant tout. J'imagine que c'est pour ça qu'il fait son entrée au musée. N'importe quel autre stylo qui aurait les mêmes caractéristiques ne serait pas rentré forcément au musée. Alors c'est vrai que l'histoire du stylo Bic est assez intéressante parce qu'en fait on ne connaît pas le designer. Donc c'est un objet, on va dire, qui a été créé de manière collective par une usine, l'entreprise de Monsieur Bic, Marcel Bic, qui va donc racheter le brevet des frères Biro dans les années 40. Et donc il n'y a pas de designer connu. Donc c'est un objet qui est sans nom. Donc auquel on ne peut pas apposer le nom d'un créateur. Et donc, il y a malgré tout aussi beaucoup d'objets anonymes, très souvent dans les collections de design. Bic, la marque de stylo à billes la plus vendue. 5 millions de vrais points de Bic vendus chaque jour dans le monde. Et c'est vrai que je pense que ce qui a fait aussi la fortune du Bic, c'est à la fois sa simplicité, son ergonomie. C'était une époque où, en fait, on demandait aussi aux objets d'être extrêmement pratiques et qu'il a quelque chose d'universel aussi dans son dessin. Et peut-être qu'une des grandes trouvailles, c'était de faire un objet qui était à l'époque entre le crayon à mine et le stylo à plume. Et de faire quelque chose qui était aussi faisait référence en fait à d'autres usages de l'écriture, donc c'était pas une rupture totale puisqu'il se référait entre autres au crayon à mine à bois et au stylo à plume qui était surtout utilisé à cette époque. Et puis sa forme hexagonale rappelle également la forme du cristal, donc il a cette structure hexagonale qui est très bien dessinée et qui permet du coup au stylo en même temps de ne pas rouler. En plus, peut-être une des trouvailles, c'était de le faire transparent, de faire en sorte que le consommateur puisse voir sa consommation d'encre et d'avoir du coup un regard aussi sur l'usage qu'il faisait de cet objet. Et puis ensuite, donc la pointe, le petit roulement à billes qui a subi différentes innovations est extrêmement facile et glisse sur le papier. Et donc, ça va induire aussi une écriture cursive très rapide, qui sans doute correspondait beaucoup mieux à l'époque. Ensuite, les couleurs étaient très simples, du noir, du bleu, du vert, du rouge. Là, on était dans quelque chose de très simple et de très identifiable. Et donc, il faut se souvenir que dans les années 50, c'était très positif qu'un objet soit jetable. On ne se posait pas de questions, évidemment, sur toutes les questions d'écologie qui sont devenues aujourd'hui prépondérantes. Le matériau plastique a permis des expérimentations nouvelles, comme on en parlait, donc à la fois de forme, à la fois de technique, un apport également d'une nouvelle gamme chromatique qui a changé l'approche de l'objet de design. Donc aujourd'hui, on se rend compte que ces plastiques, parfois, ont évolué d'une manière un petit peu difficile. Les couleurs blanches sont devenues enjaunies. Donc ça, c'est une évolution de ce matériau qui est assez net. Et évidemment, il pose des questions de conservation. Mais voilà, donc ça a été un matériau essentiel et qui a quand même révolutionné le langage du design dans les années 60 jusqu'à la crise du pétrole en 74. Aujourd'hui, quand on observe la création actuelle, la recherche dans le domaine du design, on se rend compte que beaucoup de designers cherchent des alternatives en fait à la pétrochimie, cherchent des alternatives au plastique et vont le trouver peut-être dans ce qu'on peut appeler les biomatériaux, la biofabrication, donc travailler avec des matériaux à la base naturelle qui peuvent être, par exemple, du mycélium de champignons, qui peuvent être des algues, des microalgues, donc d'autres matériaux qui pourront se substituer à ces matériaux plastiques. Néanmoins, le plastique a permis des progrès substantiels dans énormément de domaines. Je pense au domaine médical, je pense au domaine de l'aérospatial. Ça a permis de faire des économies d'énergie. Ça a rendu des services, effectivement, dans de grands domaines. Et il n'est pas question de critiquer le plastique en soi, parce que ça n'aurait aucun sens. Mais au niveau du capitaliste de la production et du profit, il n'y a pas eu les régulations qu'il aurait dû y avoir. C'est très clair. Et il est clair que, disons, à partir des années 50, on a trouvé, pas une référence directe au plastique, hein, mais une référence constante au substitut, au remplacement, au fait que la prothèse, en fait, était première par rapport à l'organe manquant. On a eu, chez Jacques Derrida, chez Deleuze, chez Lyotard, chez Baudrillard, bien sûr, un ensemble de théories consistant à dire, au fond, qu'il n'y avait pas d'origine, qu'il fallait donc pas être nostalgique des matières premières perdues ou de l'authenticité perdue, mais qu'au fond, tout commençait toujours par le remplacement. Et ça, moi, je vois là-dedans une traduction directe, même si elle ne se référait pas nommément au plastique, une traduction directe de ce qui se passait à cette époque. Et c'est pour ça que moi, j'ai fait ma thèse sur Hegel qui a utilisé cette notion de plasticité. J'ai voulu continuer ce travail en montrant qu'au fond, derrière toute cette série de philosophies, on va dire ce qu'on a appelé les philosophies de la différence, il y avait en fait un culte de la plasticité qui ne se disait pas comme tel, mais qui se manifestait comme, comme ce que je viens de dire, c'est-à-dire la prothèse, le substitut, est plus originaire que l'origine. C'est-à-dire que tant qu'on n'utilise que le bois, on ne voit pas le bois. On ne se rend pas compte de son originarité. C'est une fois qu'il est remplacé qu'on commence à dire finalement le bois c'était pas si mal ou donc c'est à partir de la prothèse ou du substitut qu'on peut développer quelque chose comme une nostalgie ou un culte de l'origine, de l'authentique. Quand Roland Barthes dit le monde entier peut être plastifié, c'est prémonitoire? Quand on regarde simplement, oui, on peut presque dire que c'est prémonitoire. Philippe Chalmin, historien, économiste des matières premières à l'université de Paris-Dauphine. Écoutez, c'est pas compliqué. Dans les années où Barthes écrivait, le monde devait produire 2 ou 3 millions de tonnes de matière plastique. En 2017, il en a produit quasiment 350 millions de tonnes, toujours. Hein. Donc vous voyez quand même l'irruption du plastique dans notre vie quotidienne et de la vie quotidienne des 7,5 milliards d'êtres humains qui peuplent cette planète. Bam bam, on s'asplace, j'ai sur mon lit à bouffer sa langue en buvant, prends mon whisky, quant à moi peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. Chez moi, poupée de cellophane, cheveux chinois, un sparadrap, une gueule de bois, a bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc, comme un agneau dans son igloo, ça plane pour moi, ça plane pour moi.